Ok, ok. On vous le met ça. Ça vous a plu? Ouais. Faut le RS6 militaire, l'ensemble se vit à Roma. Une grosse station bannée, RIM, tu sais là dans le sauna. Nouvelle batek, elle a câblé, 20 bouteilles, on est attablé. En survêt Helvetica avec la submarinaire Nautica. J'ai trop de violettes dans le Vaucère. J'suis arty, j'fais pas le grossiste. Dégroupé tout dans le golfer. J'oublie pas sa part de la viste. Redescente. Vert de Sky, 44 Magnum qui désarticule. J'rentre la 3, j'mets la tête dans la bulle, ça fait flotter le but. Passe dans le bloc, y'a la frappe toute jaune, y'a la frappe qui bulle. Boîte 8, pas de R, j'suis pas encore en enfer, j'sens déjà que ça brûle. Ok. Filtré dry, c'est qui adresse, y'a des infiltrés, tête brûlée dans un bentaiga, tire la chaga et la meilleure baïda. Puracho 6 sur 7 qu'un dieu, pas de vaudou, hey, hey. Ça veut drive comme Cartara, oreiller le coude et le genou, hey, hey. Hiro des putas, tu mets des hers, ça pousse des TDK et des G. Sa mère une vie de 9 à 5, j'préfère mourir jeune en PDG. On arrive pas tricher comme dans le dernier gang, j'fais des aquariums dans le dernier range. Dans le jacques Rolex étanche, sur un R1000 dans les virages je penche. Avec le N, le S, le R, le K, ça kill, c'est cool, tranquille, te casse. On stream, on fume la crème, on stud en plein après-midi. On fait des crimes, on drive le stream, le siège avec l'écran. Moi j'ai pas pris la pastèque, mais j'ai pris la pastèque. Quelques euros plus tard, j'ai pas perdu la tech. J'ai pas perdu la tête, que celle de mon bouchon. Dans les R6 break, j'écoute émotion. J'viens de péter la potion, j'suis à bail. J'paye 3 gardes du corps, j'fais pas taille. J'mélange la Vovo au Hawaï. J'suis dans le Grand Sud, j'kiffe ma life. J'viens de péter la Vovo, j'suis à bail. Faut péter les scores, faire dja dja. J'passe en dernier Porsche vers Noaï. J'suis dans le Grand Sud, j'kiffe ma life. Dans la location, j'passe par l'alimentation. J'suis en rotation, là j'm'écoute sur la station. Vovo passion, toi pas nous on fout l'option. Roro diamant, y'a de la certification. J'regrette la rapta quand j'ai la tête vers en bas. J'aime trop la fumette, des fois le pet j'le rends pas. Elle a bugué, c'est la frappe d'un mandanda. J'voulais la sécoin, mais mon plan y répond pas. J'viens de péter la potion, j'suis à bail. J'paye 3 gardes du corps, j'fais pas taille. J'mélange la Vovo au Hawaï. J'suis dans le Grand Sud, j'kiffe ma life. J'viens de péter la Vovo, j'suis à balle. Faut péter les scores, faire dja dja. J'passe en dernier Porsche vers Noaï. J'suis dans le Grand Sud, j'kiffe ma life. Thank you.